Exercice 12, page 81. Je devinais comment je devais m'y prendre, avec des fleurs et des chocolats, mais je ne faisais rien de tout ça. Je passais des heures à relire des textes sur mon ordinateur. Je m'éloignais peu à peu de l'image du Fils unique.